Fume, fume, gros, c'est de la peuf rage. J'enfume le GT comme Kofi Armada. J'écoute tout du long, barotte comme des rats. Pas grand chose à fêter, silencieux comme des chats. J'crois que ta pétasse fait son Chanel. De 0 à 100, gros, c'est chamé. Intérieur cuir couleur béchamel. Direct, on va le faire crier sur 200 mètres. Cache bien la drogue, cache bien la drogue. Ouais, j'suis trop trop, liquide en gova. La vida du trompe, on va gérer la compta. T'as capté les bombes, t'as gardé tes contacts. La quiche t'es compagne, barbé la Dubaï. Ouais, ça sont les bombes, c'est de la tresse qu'on boit. Bah ouais, qu'on bombarde. Belin qu'on arrive comme Rosy. T'as bleu tas, t'as pas de quoi l'arroser. Façon font pas comme ça les grossistes. Ta route du showcase ça négocie. T'atteins pas préparé ses fossiles. Mon ami Belin gros t'es concis. T'as foiré la loque dans le fossé. Web web les vatos sont levés le cross. Et viens les directement si les mots tardaient. Boule, avant ouais j'étais jeune et con. Maintenant j'veux que des sous parce que ça m'a l'air d'être cool. C'est en direct qu'on fait le boulot. Tu sais c'est qui nous c'était IM. Même à minuit j'suis dans le ghetto. On va sonner comme des hyènes. Belin gros ADN, en pointe comme des aliens. J'fais du rap que ton ami aime. Le jeu de l'époque alien. Bah ouais, j'suis dangereux. J'coupe l'astru, j'ai le temps de gérer. Du pilon pour te rendre heureux. Ou de la peau de Los Angeles. 77 départements en vigilance orange, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait chaud, trop chaud même. Et on a dépassé le seuil de canicule sur l'ensemble du territoire, c'est une année record. Si je devais résumer la situation en un mot, eh bien je dirais que c'est une année caliente. Pas le temps de faire un Miami. J'dois dégainer le bolide optionné dans la ville. Couillonne, tu m'as voulu la bise. Suceuse, tout le monde t'a donné son avis. C'est toujours précis quand on kill. C'est toujours moins de quand on pile. C'est toujours discret quand on deal. C'est toujours de deux quand on file. Appelle les pimpons, j'crois que ça va brûler. Caliente rime avec frappe d'enculé. On argue les dindons sur un stunt remonté. J'connais la ville par cœur, j'l'ai réduit en purée. Alors c'est comment, combien vont durer? Dans le trafic, combien ont dû endurer? T'as vu comment j'kick un moteur, on dirait. Un moteur en direct. Rayon accélère, la tête sur la pluie-tête. Ta copine elle mouille, elle est même pas en buvette. J't'apprends le rap mec on dirait. Grosse dose on va se mettre en fumette. J'suis au fond du couloir. Faut vouloir la victoire. Dans la deux bois c'est tout noir. Viens on se rejoint au fumoir. Gucci, Fendi, j'en veux des tonnes. Faut pas déconner, j'suis plus écolier. On va décoller, pas besoin de m'épauler. J'crois qu'elle est bonne mais j'vais pas les fumer.